Salut Zachro, c'est le Big Ben. C'est Antithèse. Rétro. Marilyn. Et Tester Alpha. Pour le podcast de Zachro, nous sommes l'édition du 17 septembre 2013. Salut, comment ça va? Fatigué? Ça va. Grosse fin de semaine. C'était pas, mais ça rentre dans le corps en titi, hein? Ouais. Ça a été une énorme fin de semaine. On va vous en jaser un petit peu plus tard durant le podcast. Tout d'abord, je voudrais remercier Marilyn d'avoir pris ma relève la semaine passée lorsque j'étais affligé d'un rhume assez violent avec moi. Un rhume d'or. Avec fièvre et compagnie en plus. Ou un rhume d'or, un des deux. Ouais, probablement que j'ai pris ça d'un orque. Alors, merci Marilyn d'avoir pris ma relève. Alors, je suis de retour et je vais pouvoir jouer avec vous autres cette semaine. Alors, avec le Comic-Con, j'imagine qu'on n'a pas eu beaucoup de temps de gamer cette semaine. Vraiment pas. Pas vraiment. Ah, même moi, j'ai vraiment pas eu le temps d'embarquer sur un jeu. Fait qu'on pourra pas bébé jaser ça, mais on va jaser beaucoup de Comic-Con. Je viens juste, vu que j'étais pas là la semaine passée, j'avais envie de rajouter mon petit grain de sel par rapport à World of Warcraft. Oui, vas-y. Vu que j'ai pas eu la chance, je voulais vous en jaser rapidement. Pour moi, dans mon cas, World of Warcraft a été probablement un de mes jeux que j'ai passé le plus de temps. En slash play, je pense que j'étais rendu comme à 31 jours de slash play en jouant. Et oui, j'ai passé énormément de temps dessus. C'est un jeu que j'aime bien. C'est un jeu qu'on est accro assez rapidement. Je vous avoue que quand j'ai joué à ça, il n'y avait rien d'autre qui se piétait dans ma collection qui rentrait. Mais ça faut quand même donner assez net de noblesse à WoW. Ce jeu-là a su révolutionner le monde du MMORPG. Qui était un petit peu différent auparavant. Moi, j'étais un joueur auparavant de Dark Age of Camelot, que j'avais joué un petit peu, et j'aimais beaucoup l'idée. Il y a des idées que je trouve que World of Warcraft n'ont pas pu utiliser, comme par exemple ajouter une troisième faction qui aurait pu donner un souffle différent, je pense, au jeu. S'il y aurait eu une troisième faction dans WoW, j'aurais vraiment aimé ça, qu'on puisse faire comme... Ah! Il semble qu'il y a une grosse bataille, là, tu vois que 3 ou 4 s'affronter, là, tu sais, comme... OK, comment que la stratégie aurait pu être différente? Et sinon, à part ça, c'est quand même un bon jeu, je l'aime bien. Oui, on devient accro assez rapidement, puis je suis content d'avoir lâché le jeu. Parce que ça fait quoi, Marie, fait 6 mois qu'on a arrêté? À peu près, environ, que de pas jouer, de faire... Même occasionnellement, je pense que c'est un bon 6 mois certain. Là. Ouais, ça doit faire 6 mois que j'ai arrêté, puis je suis content d'avoir arrêté. Mais c'est quand même un bon jeu, puis peut-être que la prochaine extension va me redonner le goût, on sait pas. Peux-tu expliquer pour ceux qui savent pas c'est quoi exactement un slash play? Quand tu dis que tu as fait un slash play pour l'ensemble... Oui. C'est une commande que tu peux rentrer dans ton jeu pour savoir le nombre de temps que tu as joué en tout. C'est un slash play avec un ED à la fin, et ça te donne ton nombre total de temps que tu as joué. Okay. Alors, ça donne beaucoup de temps pour moi. J'ai 31 jours, je trouve que c'est beaucoup. J'ai perdu 31 jours dedans, là. Total en play, donc 24 heures par jour. Et moi, j'ai peur. Tu l'as pas fait depuis un bout, toi. Hein? Moi, j'ai peur de le faire. Faudrait que je combine tous les personnages en slash play. Un an. On va aller voir le monde qui sont sur le chat en ce moment. On va aller dire un petit bonjour. Alors, Beta est présentement sur le chat. Il était censé venir nous embarquer avec nous autres ce soir. Malheureusement, Beta n'était pas. J'ai eu la misère à inviter quelqu'un d'autre. Alors, malheureusement, Beta est sur le chat, mais il est pas avec nous. Alors pour le grand plaisir de Alpha et de Retro Gamer PQ, on va jaser un petit peu de notre soirée de souper un petit peu plus tard. On a Kevin Doré qui est présent, on a Philippe Saint-Jean qui est présent aussi. Alors on a Explore. Sinon, à part ça, on a Kevin Petnaud. On a Rad. Tanuka! Salut! Dave Bissaillon. Et Francis Penneau aussi qui est là. Oui, Trinity et David Forget. Alors, salut tout le monde. Gênez-vous pas pour écrire vos questions. Alors, on va probablement vous écrire. On va probablement vous en jaser au courant de la soirée. On a tout de suite des nouvelles? Ah oui, donc? Oui. Quelques petites nouvelles rapidement. J'en avais jasé un petit peu avant le show. La première nouvelle, c'est l'acteur qui était présent au Comic-Con, le gars qui faisait le Green Ranger, David Frank, je crois. Je connais pas son vrai nom, mais il y a une nouvelle qui est sortie sur les internets comme quoi qui est en négociation avec les détenteurs des droits des Power Rangers. Je pense que c'est Saban, pour faire un film du Green Ranger et qui serait coté 13 ans et plus. Ok. Je vous avoue que normalement, les Power Rangers, bon, vous savez c'est quoi? C'est des super-héros asiatiques dans un sens qui se battent. Et savoir que normalement, c'est fait pour enfants. Qu'on s'entend, les intrigues sont très très légers, il n'y a pas de quelque chose d'ultra complexe. Mais de savoir que tu pourrais avoir un film d'une heure et demie qui serait coté 13 ans et plus, donc il y aurait un petit peu de sang, ça fait de quoi? Je sais pas. Moi qui étais je suis un fan des Power Rangers, je l'avoue. Et je vois en ce moment Retro qui me regarde avec un. C'est qui toi? Mais moi je suis sceptique, sérieux. Pourquoi Marie? Ben, de base, des Power Rangers, c'est une équipe. C'est pour ça qu'ils étaient bons, dans un sens. Ils avaient chacun leur spécificité. Puis ensemble, ben, il y avait du power, tu sais. Puis de faire un film juste sur un, je sais pas, moi, s'il y aurait du contenu pour une heure et demie de film. Mais c'est le plus connu. C'est le plus connu. Cet acteur-là a resté quasiment dans 4 séries de Power Rangers. Fait que c'en est un qui a été le plus présent. Là. Fait que c'est sûr que si on ferait un film sur le plus populaire, il y aurait peut-être du contenu. Mais, tu sais, tout le monde connaît sa kryptonite. C'est une chandelle verte. Dans la série, il perd ses pouvoirs à cause d'une fucking chandelle verte. Bon, ben, je vais amener une chandelle. Là. Bon, on va réveiller Chester. Il est là. Retro, je vais te laisser faire la nouvelle parce que c'est grâce. Hein? Ah, je ne réussis pas. Retro, je vais te laisser faire la prochaine nouvelle parce que c'est toi qui l'as posté tantôt sur Facebook. Puis vu que t'as. C'est quand même toi qui l'as posté. Je vais aller voir ce que j'ai posté pour être sûr parce que j'en poste en crise. À propos de l'équipe qui ont travaillé sur les Mega Man 9 et 10 qui vont faire Shantae. Oui, NT Creates s'est joint à WayForward pour faire Shantae One Half Genie. Donc c'était une grosse nouvelle parce que ça veut dire que l'équipe d'Inufune est pas loin. Donc Inufune garde un œil sur Shantae. C'est vraiment le fun. Ça serait intéressant de voir un genre de Easter egg à l'intérieur du jeu où on voit Mighty No. 9 ou Shantae dans Mighty No. 9. Ça serait cool. Peut-être qu'il y a un pouvoir où est-ce qu'il sort des cheveux du canon de Mighty No. 9. Ça serait le fouette. On sait juste pas. Ça serait quelque chose. En passant, si vous vouliez commander la Retron 5, elle est présentement en pre-order sur Amazon. Ooh. La console va sortir pour le 31 octobre 2013 au prix de 100$. Et ça vient avec une console, une manette Bluetooth, un fil HDMI et un AC adapter. Alors, allez regarder ça sur Amazon. Sinon, à part ça... quelle autre nouvelle? Je regarde rapidement. Diablo 3, qui ont décidé de officiellement d'enlever le Auction House. Quoi? Sur PC? Sur PC. Wow! Hey, ça a été long avant qu'il allume. Alors, ça se fera pas tout de suite. Ça va se faire... ça va se faire au mois de mars. 18 mars, tabarnak! Tu viens de m'apprendre quelque chose de nouveau? Eh oui! Ça change rien pour moi, je ne jouerai pas plus. Le mal est fait, là, mettons. Ouais. Le prochain step, la tête de Retro va exploser. Quoi? Pourquoi? Ouais, pourquoi? Paniquait, c'est juste pour ça, là. Ok, ok. Fait que, ouais, ça va faire du bien, je pense. Mais moi, je vais quand même aller me chercher la version console parce que elle a l'air vraiment le fun. La manière que Retro en parle, là, j'ai vraiment envie d'aller me la chercher. Sinon, à part ça, avez-vous vu la peur qu'on a eue cette semaine avec Justin Bieber avec un script que oui. De. Le prank du siècle, quasiment. Juste pour le dire, là, Marie-Ève, là, je l'ai pas trouvé drôle. Moi non plus. Moi non plus. Mais s'il a cru. Non. Mais non, il n'y a pas personne qui a cru à ça. Actuellement, il n'y a pas personne qui a cru à ça en chien. C'est ça qui est le pire. Parce que j'ai eu peur que ça arrive, parce que si t'es capable de mettre Ben Affleck en Batman, t'es capable de faire n'importe c'est quoi. C'est exactement ce que je me suis dit. C'est parce qu'actuellement, le pire, c'est qu'ils ont peut-être qu'ils vont peut-être aussi se servir de cette joke-là pour y penser, justement, Warner Brothers, c'était ça. Oh non, faites pas ça, s'il vous plaît. Non, effectivement, parce que, écoutez, le meilleur rôle de la vie de Justin Bieber... Je commence. Son meilleur rôle, la vie de Justin Bieber, il l'a fait. Il l'a fait dans CSI, puis il est mort. Tu vas tirer dans CSI. Ouais, puis ça, c'est resté mémorable à ben du monde, parce que c'est la seule moment où on peut imaginer crever Justin Bieber. Il peut pas faire mieux que ça, là. C'est... Il pourra jamais se repasser cette performance-là, jamais de la vie. Fait que, dans le fond, c'est un passé du bien. Mais il est pas con, Justin Bieber, d'avoir posté ça. Ça a fait le tour d'Internet pour dire que finalement, ben c'est un prank. Fait que je me suis fait parler de moi, finalement. Puis, ben, pas mal comme Miley Cyrus et toute cette gang-là. Là. C'est un prank quand même relativement léger quand tu y penses comparé à ben d'autres. C'est vrai. Au moins, il n'y a pas léché une masse, là, on s'entend. Là. Non, c'est ça, tu sais. Au moins. Comme le quelqu'un sur Facebook, genre, qui dit « Miley Cyrus qui liche une masse, c'est correct, mais si un gars, genre, il irait licher une masse chez Home Depot, il s'en irait à l'asile. Hein? » J'adore ce moment-là où est-ce que ça fait comme « Ouais. Paf! » C'est « Restez tranquille. » Autre nouvelle. Ça a l'air qu'on va avoir un Final Fantasy qui n'est jamais sorti ici encore. Lequel? Le Final Fantasy Type 0. On l'a pas vu, ça? Non, il était pas sorti. Il était sorti sur PSP au Japon en 2011. Mais ça n'est jamais venu aux États-Unis. Parce que c'était en fin de vie de la console de la PSP. Et on va avoir une version qui va être disponible bientôt sur la. Ils disent que peut-être il va y avoir une version sur PlayStation Network. C'est quoi déjà ça? Un Final Fantasy Type 0? Ouais. Ça, je t'avoue que j'ai pas vu. Là, je regarde rapidement. Moi, je lis sur Wiki. Là. Moi, je suis côte à cou en ce moment. Il en parle pas plus du quoi, c'est quoi, à quoi ça ressemble le jeu. Il va falloir que je regarde. Là, je me sens vraiment mal de pas vous dire à quoi ça ressemble ce Final Fantasy là. Mais c'est. En tout cas. Ça a l'air que ça ressemble un peu à Crisis Core Final Fantasy 7. Ok. Crisis Core, il est pas pire, mais c'est pas le meilleur. C'est vraiment pas le meilleur Final Fantasy que j'ai joué. Là. Mais c'est-tu quand même un side story que. Qui est le fun à jouer, point final. Moi, je me suis dit qu'il était comparable à Resident Evil 4. Ouais. On n'a pas l'avoir essayé, moi, je ne sais pas. T'as jamais joué à Resident Evil 4? Non, j'ai dit non. Pour avoir essayé Night of Cerberus, mettons. Ok, les gars, tu parles de Final Fantasy 7, Night of Cerberus. Ok. Ouais. Exemple. Ah, il est bon. Il est bon? Sinon, à part ça, rapidement. Vous savez qu'à chaque semaine, lorsque j'ai la chance de vous parler d'un jeu Kickstarter qui m'a convaincu, je vous en parle. Et cette fois-ci, je vais vous parler de Hyper Light Drifter. Hyper Light Drifter, qu'est-ce que ça va en hiver, ça? Alors, c'est un jeu que le créateur demandait 27 000 $ pour sortir le jeu. Il est déjà rendu à 212 000. Et c'est un action RPG version 2D, 3D, qui ressemble beaucoup à un mélange de Zelda avec... comment vous dire ça? Un Zelda avec les jeux d'action qui étaient sur en 8-bit, 16-bit. Tu sais, les jeux de plateforme. Ça ressemble à ça. Ça a l'air très, très intéressant. Si jamais vous avez la chance d'aller checker ça sur Kickstarter, c'est Hyper Light Drifter. Moi, je vais aller mettre peut-être un 10$ dessus parce que le jeu va sortir en juin 2014 déjà. Fait que c'est quand même rapidement. Puis, ça va être un beau petit jeu d'action, pas trop cher. Puis, moi qui aime bien ça, les petits jeux d'action indie, là. Je vous recommande d'aller checker ça. Sinon, à part ça, il n'y a pas d'autres nouvelles. C'est assez tranquille, je vous dirais, côté nouvelles dans le monde du jeu vidéo, dans le monde du film. Fait que je pense qu'on va embarquer directement dans notre Comic-Con. Alors, hein? On peut faire ça. Alors, le 13 septembre 2013, on a eu le Comic-Con de Montréal qui est parti avec à Montréal. Et chacun entre nous a participé à sa manière au Comic-Con de Montréal. Alors, pour ce qui est de moi, Marie-Lune, testeur alpha et joueur bêta, on avait notre propre table au Comic-Con, tandis que Antithèse et Rétro étaient des visiteurs. Alors, je vais commencer avec les visiteurs. Je vais demander à Antithèse, vu que toi, tu étais là les trois jours de la convention, qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en as pensé du Comic-Con? Écoute, je te dirais que c'était pour... Ça valait la peine d'être là les trois jours avec toutes les activités, tous les deals que tu pouvais faire, toutes les artistes qui étaient sur place. Pour aller les voir, moi je te dirais que c'était un beau, je peux me permettre, un beau 50$ par personne investi. Mais c'est l'affaire aussi, c'est que, c'est ça, c'est que, il y a beaucoup, quand je dis qu'il y a beaucoup d'affaires, c'est qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment beaucoup de choses. Comme par exemple, comme j'ai dit en fin de semaine, moi j'ai participé au tournoi de Mortal Kombat 2, présenté par Gros Joueur. Ok. Et c'est malheureusement, je suis obligé de dire, je n'ai pas gagné le tournoi. J'en ai quasiment honte de l'avouer. Mais j'ai eu un bon adversaire qui était finalement le gagnant du tournoi. Fait que je me sens pas si mal que ça. T'as une bonne excuse. C'est une bonne excuse. C'était cool pour, admettons, Sean Astin, c'est ça? Sean Astin? Oui. Un des Hobbits. Je me rappelle déjà plus son nom. Bravo, en tête, bravo. C'est Sam. Ah, ça, c'est Sam. Oh, Sam Gamgee, ouais. Bref, je sais qu'il en a fait des heureux. Je sais qu'il en a fait beaucoup d'heureux, puis c'était un été de dernière minute. Fait que c'était cool que lui se soit déplacé comme ça. C'était plate pour les Carrie Fisher et compagnie qui ont dû décander à la dernière minute. Mais il faut te dire, il y a eu une tempête quand même dans le coin de Toronto, puis dans les États du Nord, là, je sais que dans le Colorado, c'est des inondations de fou dans ce coin-là à cause de la tempête. Fait que je comprends pourquoi il y a certains invités qui n'ont pas pu venir aussi. Là. On pense juste à penser à Kevin Smith qui a dû annuler dans la journée même. C'est ça qui est arrivé à Kevin Smith, hein? C'est ça, je pense qu'il y a eu la tempête qui l'a arrêté, qui a pas pu, l'a empêché de le faire venir. Mais il faut dire que son chum, Jason Mewes, c'est-tu bien Jason Mewes qu'on dit? C'est Jason Mewes, qui lui au moins s'est présenté. Ben, je dis au moins, comme si j'étais un peu amer. Mais Jason Mewes s'est présenté. C'était une de mes attentes. Ils ont remboursé le monde qui était. Ils ont remboursé le monde qui ont payé pour les billets. Ils ont quand même fait le. Ils ont fait la première du film. Ça, c'était cool, pareil, de la part de l'organisation du Comic-Con. Ça, je leur donne entièrement. Ils ont bien fait ça. Ils l'auraient pas fait. Non, c'est ça. Ils auraient fait, regarde, le film est là, pareil, puis t'en as un des acteurs. C'est ça. Ils auraient pu faire ça. Rétro, qu'est-ce que t'en as pensé en général du Comic-Con? Écoute, cette année, j'ai plus aimé ça que l'année passée et l'autre année d'avant. La seule affaire qui m'a vraiment, mais vraiment fait chier cette année, c'était l'organisation pour les photos. L'année passée, ils avaient mis ça dans le fond, puis tu avais un périmètre délimité pour aller aux photos, puis c'était très bien placé, très bien fait. Cette année, c'est un petit crise de cubicule de merde. Pas de, de fil défini, puis pas d'instructions, c'est quoi qui se passe, puis c'est où est-ce qu'il faut que t'ailles, puis etc. C'était très mal organisé. Il y a été à un moment donné, quand c'était le temps pour la photo Félicité, avec la file de Sean Austin, c'était tout fucké, puis là, on était deux groupes de Mongols tout ensemble, puis là, on était tous coincés entre le mur puis le truc pour les photos. Donc, vraiment, là, il va falloir que l'année prochaine, il se réorganise, parce que pour les photos, là, c'était vraiment de la calisse de merde. Là-dessus, je suis obligé de confirmer ce que Retro vient de dire, parce que pour avoir fait la file pour François Pérus, c'était malheureusement le bordel que ça en était embarrassant. Ouais. Mais tout n'était pas perdu, parce que au moins j'ai pu rencontrer quelqu'un de fabuleux. Mais en Catherine. Donc, j'étais très content d'avoir rencontré. Il va falloir que je l'explique. Ouais, il va falloir que tu expliques. C'est ça, tu as pris une photo avec Félicia D. Oui, puis j'ai jasé un petit peu avant la photo de ses émissions web série. Puis quand je suis allé prendre son autographe pour le DVD de la saison 3 de Guild, ben, j'ai pu jaser encore plus. Puis là, ben, j'ai trouvé très intéressante. Elle est super smart, elle est super cool. Puis je pense qu'elle n'est pas fake. Là, sérieux, là. C'en est une vraie. Oh oui, tu sais, quand les fans y parlent, elle parle, puis elle veut jaser, puis toute l'équipe, puis ça la dérange pas. T'sais, des fois, t'as des acteurs qui se pensent tellement hot qu'ils veulent juste faire ton scénographe, puis tu te décalisses, là. En tête, c'est toi qui va falloir que tu le dises, qu'est-ce qui est arrivé avec Bret Hart. C'était-tu toi ou c'était Retro? Par rapport à quoi? Bret Hart, il textait pendant qu'il signait des autographes. Je sais-tu quoi? C'est drôle que tu mentionnes ça, parce que ça, je l'ai un peu entrevu. Quand j'ai passé dans le coin, mais c'était un truc genre, il fait pas ça pour de vrai. Combien est-ce que ça coûtait pour aller faire signer? Je pense que 75$, tu sais, pour un gars qui. Bret Hart. Ouais, fucking Bret Hart. Il cherchait 75$, c'est un petit trou de cul. Puis en plus, t'extrais dans la face du monde, c'est ouais, c'est ordinaire. Ah, c'est ordinaire. Il y avait personne dans son kiosque, Non, ouais, vraiment, c'est une bonne file, mais c'est parce qu'en même temps, le gars, c'est moi, c'est une légende de la lutte. Le gars, écoute, le gars, il n'a pas beaucoup de son sens du PR, puis. C'est un gars, depuis la mort de son frère, c'est un gars qui est devenu très reclus. Il est très distancé du monde à faire, il est très froid. Très froid envers le monde. Parce qu'à un moment donné, tu sais, il faut que tu passes. En tout cas, je sais pas si c'est pas à cause de la mort de son frère, mais il me semble que. T'as des fans qui payent pour venir te voir. Si t'en as rien à foutre de tes fans, là, parce que t'as un problème familial, tu te présentes pas dans des conventions. Non. Là, on parle d'une mort qui est au-dessus de 15 ans, là. Bon, après 15 ans, okay, il se fait ton deuil, là. Ça va être plate, là, mais. Exact. Malheureusement, c'est que. Ouais, juste, c'est ce que son frère voudrait de toute façon, mais c'est pas ça que. C'est pas ça qu'il fait, là. Je veux dire, ça se voit qu'il est encore très amer, puis... Il faut dire, malheureusement, aussi, dans le cas de Bernard, c'est qu'il devient aussi un peu comme un invalide, fait qu'il peut pas rien faire de plus dans la vie que peut-être d'écrire une fois de temps en temps pour Calgary Sun, puis justement faire des apparitions, puis c'est là qu'il vient chercher son argent. Sauf qu'en même temps, vu qu'il fait des présentations, ce serait peut-être dans son intérêt qu'il soit plus accueillant, justement, mais ça, il n'est pas accueillant. Mm-hmm. Alpha, de ton côté, écoute, toi, c'était ton premier Comic-Con. Tu as décidé d'avoir ta première table en plus là-bas pour faire la présentation. Parle-nous de ta. En général, qu'est-ce que tu as trouvé du Comic-Con? Moi, j'ai trouvé que malgré la grosseur de l'événement, c'était super bien organisé. Pour ma part, j'ai pas eu de mauvaise expérience comme Retro avec. Les lignes d'attente des photos. Non, nous autres, ça a super bien été. On est arrivé le vendredi matin de bonne heure au quai de débarquement, au genre de quai de livraison. Là. Quand tu arrives avec un char et tu as bien du stock, tu rentres en dedans puis tu peux décharger ton stock directement. Puis ça a super bien été. Il y avait quelqu'un là qui m'a dit où aller, quoi faire. On est rentré à l'intérieur aussitôt. Il y a quelqu'un qui m'a dit « OK, va chercher tes passes à tel endroit, puis reviens. » Puis en tout cas, bref, on m'a tout dit quoi faire. Fait que j'ai bien senti qu'on était bien encadré, c'était bien organisé, on savait où est-ce qu'on s'en allait. Puis sinon, après ça, l'événement comme tel, ben là, écoute, j'ai rien de mauvais à dire là-dessus. Là. Ça a été là un hit pour ma part. Ton côté, Mary, t'as su profiter des deux côtés de la médaille parce que t'as été à la table des accros avec moi et t'as également profité de beaucoup de conférences. Qu'est-ce que t'en as pensé de ta fin de semaine? Ok, je commence par quel côté? Le côté participant ou le côté table? Allons-y avec participant, mettons. Ok, moi j'ai eu la chance d'aller voir deux conférences samedi. Je suis allée voir la conférence de Philippe Chaudet que j'ai adoré, sérieusement, elle était super accessible, comme disait Rétro tout à l'heure. Je suis allée me prendre en photo avec elle le vendredi. Moi, j'ai pas eu de problème de fil, par exemple, vendredi. Puis, j'ai été me faire une superbe autographe. Cool. Le samedi, puis elle était super accessible. J'ai parlé en anglais comme quoi je faisais des vidéos de jeux vidéo. Et oui, elle possède la carte des accros des jeux maintenant. Peux-tu fermer de la musique, s'il te plaît? Ouais, j'ai accroché quelque chose, désolé. Y'a pas de problème. Donc, je vous confirme que Philly Chaudet possède la carte accrosdesjeux.com. Oh, nice! Et qu'elle voulait apprendre le français pour venir voir qu'est-ce que c'était, le site. Donc, je sais pas si elle va le faire, là, mais... Donc, elle prend le québécois first. Ouais. Ouais, c'est sûr. Mais, en tout cas, elle a bien aimé ça. J'ai trouvé une fille super accessible, super open, vraiment, vraiment gentille. Elle prenait le temps avec ses fans, là. Puis, elle était pas rushée par qui que ce soit, sauf peut-être à sa conférence. Ça, il y a un petit bémol. Parlons-nous de ça. C'était une super belle conférence. C'est censé durer une demi-heure, mais il y avait tellement de fans qui avaient des questions pour elle que ça a duré trois quarts d'heure. C'était vraiment un Q&A, question-réponse. C'est vraiment super intéressant. Elle était très open à tous les types de questions. Elle répondait à tout. Elle se fermait à rien du tout. Il y a une affaire, j'ai vraiment pas trippé, c'est que les organisateurs de l'événement lui poussaient dans le dos en dernier. Pour lui dire « va vite, va plus vite, va plus vite, va plus vite ». Il y avait un événement à 1h30, donc je reprends un petit peu, là. Mais il commençait à la pousser à 1h, ce que je trouvais vraiment, vraiment poche, là. Des poches. Elle... Oui, c'est poche. Puis elle a stress, puis elle fait des erreurs. Ben, elle leur a répondu « Regarde, j'ai des fans qui m'attendent, puis qui aiment ce que j'ai en train de faire. Regarde, je vais prendre le temps pour eux autres. » Ce que j'ai trouvé vraiment cool. Ben oui. Sinon, à part de ça, je suis allée voir la conférence de Didier Lucien. Mais juste en général, on va faire en général, Marie, s'il te plaît, parce qu'après ça, on va aller plus précisément. Ah, mais je veux vraiment que tu dises général ce que tu as pensé en étant comme qu'est-ce que tu as aimé en tant que participante et après ça, comme à la table. Moi, j'ai rien vraiment à redire, à part les lignes d'attente que moi aussi, même pas juste aux photos. Aux photos, j'ai pas eu de problème, mais vraiment ailleurs. Pour aller ailleurs, il y avait vraiment des problèmes de file d'attente. On savait pas où s'en aller. Il fallait vraiment se faire diriger par les bénévoles. Puis même des fois, les bénévoles n'étaient pas nécessairement au courant. Manque d'organisation un peu de ce côté-là. Mais sinon, j'ai rien à redire côté participant. À la table, j'ai adoré mon expérience. On va aller en plus en détail sûrement, toi et moi, Ben, là. J'ai vraiment aimé l'expérience de vous rencontrer puis de faire connaître Accro des Jeux à plein de monde aussi. Donc, c'est pas mal ça. C'est vraiment cool, par exemple, de faire le sommet, de se faire arrêter puis de faire dire qu'on aime ça Accro des Jeux. Ouais, c'est vraiment cool. De mon côté, ça a été une expérience inoubliable. Je vous avoue que j'avais quelques craintes parce que pour moi, les règlements, la place, je dis, je veux-tu avoir le droit de faire ci, je veux-tu avoir le droit de faire ça. Mais tout est super bien arrivé, j'ai pas eu de problème. Les gens qui sont venus à la table des accros étaient totalement génial pour rencontrer. J'ai eu une belle fin de semaine. Je trouvais aussi que c'était bien organisé pour les artistes. De notre côté, j'ai pas eu de problème. Ils sont même venus nous voir au début. Avant que ça commence, dire est-ce que vous êtes tout OK? Est-ce que vous avez besoin de quelque chose? Moi, j'ai trouvé ça vraiment nice. Et j'ai rencontré super beaucoup de bon monde. On va en jaser au courant de l'émission. Je vais commencer avec, vu que tu étais partie, Marie, mais là-dessus, on va jaser des conférences. Qu'est-ce que vous en avez pensé des conférences? Est-ce que c'était bien organisé? Est-ce que c'était... Comment vous avez trouvé ça? Qui, à part moi, a été des conférences, premièrement? Moi, j'étais à une couple de séminaires et de conférences, oui. Est-ce que tu préfères commencer ou je commence? C'est toi qui décides. Non, commence. T'as l'air bien parti. T'as l'air bien parti, fait que go. Moi, je trouve que ça c'est tout de même bien passé. Le seul truc que j'ai à dire, c'est vraiment que les lignes d'attente étaient vraiment pas bien identifiées. À Félicia D, il fallait que je demande c'est où exactement, dans quelle ligne faut aller, tu sais. Puis elle dit Lucien, je crois que Rétro peut même me confirmer parce que sa nouvelle épouse était avec moi et on a attendu à peu près une demi-heure à un endroit pour se rendre compte que finalement la file était complètement à l'opposé. Oh mon Dieu. Parce qu'on nous avait dit à telle salle, nous on se rend à la salle en question, il n'y a personne. On dit voyons, il n'y a personne pour Didier Lucien, on comprend pas là. Puis finalement, pour se rendre compte que la file est dans l'autre corridor à côté carrément, là. Personne ne nous informait, là. Il n'y avait pas rien d'inscrit pour nous dire c'était où, là. C'était vraiment mal organisé pour ça. Mais sinon, les conférences où j'ai participé étaient super intéressantes. Le temps passait super vite. Les gens étaient super open. Bref, c'était vraiment des super de belles expériences. Je vais aller côté vendeur, stand, la salle d'exposition, qu'est-ce que vous en avez pensé? À part que ça aussi c'était quand même bien fait et bien structuré, je me demande si c'était pas, en fait, la structure avait pas été mieux l'an passé que cette année, vu pour ceux du moins qui ont fait les deux Comic-Con. Que vous en pensez. Moi, il me semble que l'an passé, c'était mieux. Ben, je te dirais que les chars... La seule affaire que j'ai comme pas aimé, c'est les chars. Puis, le char de Ghostbusters, le char de Back to the Future, je trouvais qu'il était mal placé. Il n'aurait pas dû être là. Dans le fond avec les artistes. Fait que quand tu voulais pas rentrer dans cette rangée-là, mais là, t'étais bloqué parce que t'avais trop d'artistes. Puis t'avais des bons artistes qui étaient d'un côté, mais tu te faisais bloquer parce que tout le monde voulait aller voir la DeLorean, ou tout le monde voulait aller voir le char de Ghostbusters. C'est la seule affaire que j'ai trouvé ça plate parce qu'il y avait une masse de monde dans ce coin-là. Puis t'avais de la misère à avancer. Ça bougeait pas non plus, hein. Le monde restait jamais là. Il n'y avait pas de personne faire de circulation pour dire « Ok, tel fil, c'est pour telle affaire, tel fil, c'est pour telle affaire non plus. » Ah, oh, tu verras pas ça, ben non plus. J'ai bien peur, en fait. C'est la seule affaire que je trouvais plate, vraiment, pour ce qui est de la salle exposante. Sinon, je la trouvais quand même bien, comparée à l'année passée. Je trouve que tout le monde avait leur spot à la bonne place. Les artistes, moi, en tout cas, je peux jaser avec Alpha là-dessus. Nous, on était très bien placés à notre table. On a été mardeux. Je sais pas si c'est parce qu'on a vraiment, quand la prévente s'est faite, on a appliqué tout de suite. Mais on s'est ramassé dans un super de beau coin. On s'est ramassé dans un début de file, dans un coin que ça tourne. Fait que tout le monde pouvait nous voir très bien. Faut dire aussi qu'on était la première ligne des artistes. Donc, autrement dit, on était juste en face des stands d'exposants. Ça, je pense que ça nous a aidé. On avait beaucoup de gens qui passaient dans nos lignes, puis non seulement ça, mais en plus, j'ai l'impression que nos allées devant nous étaient plus grandes à cause du stand d'exposants qui était en face de nous. Fait qu'on a été chanceux sur l'endroit. Oh que oui, on a vraiment été chanceux. Puis on avait un kiosque devant nous de Space Opera Society, quelque chose de même. Puis on avait été mardeux. Il y avait comme, on dirait, une actrice américaine qui était juste devant nous autres en plus. Il y avait plein de monde qui allait l'arrêter pour la regarder. Puis ça amenait du monde avec nous autres en plus. Ben oui, c'est ça qui est cool. Tout à fait. On va aller voir tout de suite le monde parce que ça jase beaucoup sur le fil YouTube. On va aller voir ça. Il y a JW Glee Lover qui dit « À vous entendre parler, je crois vraiment y aller et peut-être croiser les accros si vous êtes encore là l'an prochain. » Probablement qu'on y sera. Oui, vraiment. Moi, j'aimerais ça y aller en tout cas. C'est sûr et certain. Trinity Noir, 1974, dit « Moi, c'est pour ça que je prends les 3 jours. C'est pour avoir le temps de tout voir. » Tout à fait. Il faut vraiment prendre 3 jours à aller là-bas. C'est un des rares endroits que tu peux dire qu'il essaie vraiment de faire plaisir à tout le monde. Mm-hmm. Ta femme, Rétro, dit que c'était pas clair pendant toute la file pour la conférence de Didier Lucien, hein, Marie? Vraiment pas. J'en ai parlé d'ailleurs, là. C'est comme j'ai dit, on était vraiment assis ensemble, puis c'était... Voyons, ils sont où le monde, là? C'est pas normal qu'il y ait juste 4-5 personnes à la conférence de Didier Lucien, c'est pas normal, là. Puis il a fallu se démerder puis vraiment faire « Hey, il y a une autre porte là puis il y a du monde là. Ah, oh, ben finalement, la file est de l'autre bord du mur. Ah, oh, ben c'est les VIP, tu sais. Il y a personne qui nous indiquait rien, là, tu sais. » C'est dans le fond, c'est à ta sur Marie, que Spooky et toi, vous avez littéralement perdu vos places. Parce que votre prêté de file parce que vous avez été mal indiqué. C'est ça. Puis il y a du monde qui sortait de la salle, là, puis qui nous. Puis des gens qui travaillaient là, puis ils nous disaient même pas « Ah, vous êtes pour Didier Lucien, c'est là-bas à place d'être ici. » Non, personne ne nous indiquait rien, là. Ah, c'est vraiment chiant. Excusez-moi, j'avais oublié de remettre mon son. Karim Bissonnette dit que elle était à côté de toi, Marie, durant la conférence de Félicie Day. Oui, on a jasé beaucoup, beaucoup ensemble. J'ai connu Karine pendant la conférence de Philly Chadé. Puis je pense que c'est un petit peu grâce à moi qu'elle est là, parce que j'ai donné ma carte d'affaires de cours de jeu. Mais, ouais. Écoute. Oui. Puis je suis vraiment contente de l'avoir au podcast, sérieusement, parce que ça veut dire qu'on a gagné notre fan. Super. Puis vraiment, j'espère qu'elle a aimé la conférence autant que moi. Oui. Kevin Doré dit « J'ai eu la chance de vous rencontrer en vrai 2 fois à date à l'Autochton et au 2000e de Missionnette. » Oui, c'est vrai. Et j'espère qu'on va avoir la chance de te revoir, mon cher Kevin. Nous autres, moi et Marie, on l'a rencontré 2 fois. Alors, sinon, Pure Smack dit « Je prends les 3 jours l'an prochain, certain. Je savais pas trop à quoi m'attendre. En y allant seulement un jour, j'ai pas été déçu. » C'est ça, faut vraiment. Écoutez, en plus, faut vous raconter quoi, qu'est-ce qui s'est passé samedi. Le monde qui n'avait pas acheté leur billet samedi ont dû attendre près de 4 heures avant de rentrer sur le stand. Ouais. Ça tellement qu'il y avait du monde. C'était fou. C'était quelque chose, là. Écoutez, 4 heures à attendre en file. On pensait qu'en s'en allant au Palais des Congrès, il n'y aurait pas eu ce problème-là. Eh bien, non. Il y a eu ce problème-là. Le problème, c'est que les prix des billets quand même permettent au public général d'y aller. Puis, je veux pas être plate, là, mais ils devraient hausser leur prix pour éviter ça. T'es plate. Là, t'es plate. Un petit peu beaucoup, là, ouais. Je veux pas être plate. Mais non, mais je veux pas être plate, là. Mais quand je voyais les parents avec leur bébé là, là-bas, là, toute la quête, puis je sais pas. Ouais, mais moi, je trouve ça cool de voir les parents qui enseignent la geekitude à leurs enfants. Ouais, mais moi, je sais pas, mais le bébé de 1 an, lui, il s'en calisse-tu pas mal de Superman puis de l'actrice qui va aller prendre une photo avec, là. Il sait pas ce qui se passe, là. Ouais, mais il aime le... Vas-y. Ouais, mais dis-toi que le petit bébé, là, qui est en dessous de Superman, il est cute, pareil. Ben, 1 an, c'est... 1 an, j'avoue que c'est jeune, là. C'est très jeune pour un événement comme le Comic-Con. Moi, personnellement, à 2 ans, je jouais déjà au Nintendo et preuve à l'appui. Sûrement, j'aurais trippé voir des Mario à 2 ans. Et... Ah, je sais pas, là, mais... En tout cas, voici mon opinion. Mais moi, voir les enfants... C'est une activité pour le parent, puis ils ont des kids qui veulent pas faire garder. Fait qu'écoute, ils les amènent avec eux. C'est une journée familiale, c'est... Les billets pour enfants, t'es pas cher non plus. Je pense qu'en bas de 5 ans, je pense que c'était gratuit en plus. Fait que... Ouais. C'était voulu pour que les enfants soient là. Ah ouais. De toute façon, ça fait des gagosses. Ben c'est ça, ça fait acheter des affaires, comme les pixel art. Oh ouais, mon Dieu, puis on a même fait que faire une crise à deux enfants sans le vouloir. Je suis vraiment désolée à la maman si elle nous écoute. Oui. Voyons donc. Je te laisse expliquer, Mary. On avait un petit bonhomme, il était déguisé en Capitaine America. Je pense qu'il avait 5 ans. À peu près, ouais. Puis il était devant notre table, puis il était intéressé par les pixel art. Puis là, j'étais comme, oh, regarde, je t'ai fait en pixel art parce que j'avais un pixel art Capitaine America. Et là, moi, je sais pas qu'auparavant, il est venu avec sa mère en acheter un autre. Ben me l'avait pas dit. Puis là, il fait une crise. Mais il fait une crise. Il veut le Capitaine America. Maman veut pas. Puis la petite soeur est dans la poussette, elle veut le Hello Kitty. Fait que là, ça va être une grosse, grosse, grosse affaire pour absolument rien. J'ai regardé la maman, je suis dit, je suis désolée, c'était pas voulu. Je me sentais tellement mal, là. Mais bon, c'était cute, pareil. T'avais de bonnes intentions, tu voulais faire plaisir au petit bonhomme, là. Ben oui, puis il avait tellement les étoiles dans les yeux, ça n'avait pas de sens, là. Ben oui, il n'y a rien de plus beau que ce qu'un enfant qui a des étoiles dans les yeux, c'est sûr. C'est sûr que ça a aussi la conséquence que si quand il n'a pas ce qu'il veut, il crie, mais enfin. Ben c'est pas tous les enfants qui sont comme ça, par exemple. Non, c'est ça. Mais pour les enfants de parents trop permissifs. Ouais, pas aussi. Nécessairement. Mais le problème aussi, un petit peu, parce que. Mon expérience, oui. C'est parce que c'est le problème, si je peux me permettre aussi, parler un peu des étiquettes de genre de convention, c'est ceux qui ont des bisonnettes, c'est correct, mais qui bloquent la circulation, ça c'est un peu moins correct. Ouais, c'est surtout ça que je voulais dire tantôt. C'est ça, c'est un petit peu comme ordinaire, tu sais, on commence à entendre là. Mm-hmm. C'est un petit peu comme on sent un peu manque de respect. Encore une fois, on veut bien ne pas, on veut bien être tenant toute la patente, mais quand t'as une grosse piscinette qui fait la longueur de 2-3 personnes, mais qui bloque tout le chemin, c'est chiant. Le meilleur coup du Comic-Con. Ah, je vais te laisser y aller, Rétro, vas-y. Ah, je pense que tu voulais rajouter quoi à ce qu'Antithèse disait, excuse-moi. Non. Ok, c'est bon. Selon vous, le meilleur coup cette année au Comic-Con, c'était quoi? Le téléphone qui sonne. Exactement. Ça, c'était le meilleur coup du Comic Con de Montréal. C'était le téléphone qui sonnait. C'était vraiment cool. Vas-y, petite thèse. Écoute, sincèrement, c'est dur à dire. C'est dur à dire. Comment tu peux vraiment, avec tout ce qu'il y avait, déterminer, dire ça, c'est le meilleur coup? Le meilleur coup, c'est le stand de Sony. Avoir eu la PS4. Oui, mais il y avait le plus gros stand sur le plancher, d'après ce que j'ai compris. Là. Oui. Puis, oui, ça va peut-être faire venir encore plus de gaming l'année prochaine. J'espère, ça serait le fun. On le souhaite également, je le souhaite énormément. Surtout que ton ami a réussi à avoir une manette de PlayStation 4 dans les mains. Mais oui. Mais il n'a pas joué un vrai jeu de PlayStation 4. Là. C'était plus un jeu indie, mais c'était j'imagine que c'était quelque chose d'avoir la manette de PlayStation 4 dans les mains alors que personne d'autre sur la planète a pu l'utiliser encore. Non, c'est vrai. Totalement vrai. Marie, le meilleur coup selon toi? Mes deux meilleurs coups, c'est vraiment mes rencontres avec Didier Lucien puis avec Félix Chaudet. Parce que j'ai pas eu la chance de vraiment aller voir ben des trucs, là. Mais c'est vraiment ces rencontres-là qui m'ont fait un gros wow. Sinon, un autre très très bon coup, c'est d'avoir eu la table et l'expérience qui va avec. Ça a été vraiment mon meilleur coup. Alpha, est-ce qu'il est présent? Je pense qu'il est au téléphone. Ah, d'accord. Alors, on va revenir là, voir Planton. De mon côté, je vous dirais que c'est le meilleur coup que j'ai vu de mon bord, c'était Space Opera Society qui était en face de nous, puis qui a réussi à faire une photo avec le gars qui était dans le soude de Darth Vader. Et la foule de monde qui était là, c'était bouché. Mais pourquoi c'était bouché, mon cher Big Ben? Parce que l'acteur est venu au stand de Space Opera Society Et il y avait une armée de clone troopers qui l'accompagnaient pour la sécurité. Et je vous jure, tout le monde voulait regarder ça, incluant Beta. Fait que vous avez vu Beta avec son téléphone qui se mettait en haut et s'est poigné une photo. C'était quelque chose. Mais tu sais, c'était un très bon coup pour eux autres. Sinon, nous autres, ce qui était le fun, c'est vraiment de pouvoir se faire connaître, puis de rencontrer aussi d'autres podcasts. On a eu la chance de rencontrer plein de podcasts qui étaient présents, soit avec des tables ou même qui sont venus nous dire un beau bonjour. Moi, je pense par exemple à BD podcast. Et Gumballoon. Podcast et, bon et Gumballoon. Oui, qui était juste à comme une troisième table à côté de nous autres. Et c'était vraiment cool. Excusez-moi. Désolé. Sinon, à part ça, j'ai rencontré Gamin du Pain des Jeux de Douteux. Alors, j'ai rencontré eux autres. J'ai rencontré Ben des Mystérieux Étonnants. Sinon, j'ai ben, goûté. On a fait de la promotion pour Giz en même temps. On va sauvons vous les roues! Vous allez voir ça dans une vidéo avec le Duc. Et sinon, c'était vraiment cool là-dessus. C'était un très, très bon coup. Alpha, est-ce que tu es de retour? Je pense pas, non. Non, hein? Oh non, on l'a perdu dans l'espace. Oh, en attendant, continuons. Continuons, alors. On va aller voir. Hey. Yeah. Je vais revenir sur ce que je disais tantôt par rapport au public général. En fait, oui. Ce que je voulais dire, c'est ce qu'Antithèse a dit, c'est du monde qui... Il y a du monde qui ne savent pas vivre, puis ils bloquent tout le chemin, puis c'est ça qui cause des bouchons de circulation dans les allées. Oui. Puis écoute, c'est ce monde-là que je veux pas qu'il vienne. Ouais. C'est pas le public général, non. C'est le monde qui ne savent pas vivre. Hein? C'est plate de devoir le dire, mais il faut le dire. Non. Je veux dire, tu sais, à un moment donné, faut que tu laisses passer les autres aussi, puis il n'y a pas rien que toi sur la planète. Surtout quand tu es dans une convention qui à peu près, comme ils ont calculé, 42 000 personnes qui sont venues en tout. Attends, comment tu as fait ça? Parce que moi, j'ai essayé de contacter les gens de Comic-Con pour genre pour en parler. Je suis même content d'ailleurs que tu aies le chiffre. Parce que la page Facebook du Comic-Con le dit. Oh, nice! Ils ont eu une augmentation de 10 000 personnes à comparer à l'année passée. Fait que, oui, ça a été énorme. C'est grâce à Infoman. Ah, peut-être. Non, à Ludique puis toute notre gang des accros, bon. C'est grâce à lui. Oups. Oh! Tu sais pas c'est quoi ça? Ça venait pas de moi. C'était pas cette fois-là. Pas de moi. On va aller voir. Okay. C'est quoi ce bruit de merde? C'est pas moi. Ok, qu'est-ce que tu es en contact avec nous? Ah putain! Alpha? Il y a un fantôme chez Alpha. Bon, ben, on va aller faire un tour. On va aller faire un tour sur notre chat YouTube. Qui Beta alimente énormément. Beta dit quand je serai vieux, je vais aller au Comic-Con avec mon kid, puis il va se déguiser en Yoshi, puis il va mettre une casquette rouge sur la tête de son enfant. Oh cool! Yo, Karine Bissonnette mentionne le cosplayer de Ace Ventura qui était effectivement écœurant. Il était malade. J'ai tellement pas pu le voir. J'ai tellement pas vu. Oh ouais. Ceux qui veulent avoir une image de lui, vous pouvez aller voir sur le Facebook des accros. J'ai mis une photo de lui, Beta, ensemble. Et le gars, il est malade. C'est vraiment... Pendant un instant, je pensais vraiment que c'était Jim Carrey. Là. Parce qu'il y avait les cheveux, il y avait tout. Il y avait l'attitude, les mimiques. Tu sais, là... c'est vraiment malade, ce gars-là. Là, c'est dans les... T'sais, son cosplay, tellement qu'il est simple, il en est génial. C'est juste ça à dire. J'ai juste ça à dire. Sinon, à part ça, qu'est-ce que ça dit d'autre? Kevin Doré Poudry qui dit qu'il a été en France pour le Japan Expo en 2010. Que Il dit également qu'on va rire, mais il y avait le stand du jeu BlaBlaLand, et du coup, je sais ce qu'il dit, et du coup, j'avais acheté le artbook signé en plus. Ah bon? Mais là, c'est comme Comic Con, qui sont vraiment cool. Mm-hmm. Pierce Mac qui dit qu'il est bien content de son pixel art de Luigi. Merci beaucoup. Ah, merci! Nice! Et le bruit de fond est d'accord avec nous autres. Ah, meilleure place pour le street et spot pass pour la 3DS. Oui, effectivement, j'avais emmené moi aussi mon 3DS et puis toute la journée, je me suis pris pas mal de mi. Tellement malade. T'as pris combien de mi, toi, rétro? Au moins 30. Là. Moi, j'en ai pas mis une. Ben, il faudrait que t'es vrai. Toi, t'as fait 3 jours. Une journée. Une journée. Là. Moi, je vous avoue que si j'aurais eu. Moi, c'est parce que j'ai fini les deux jeux. J'ai pas fini, mais tu sais, je veux dire, les tableaux, ok, c'est correct, là, mais le petit jeu, là, mis en péril, là. Ouais. J'ai plus de chapeau à trouver. Fait que ça m'amenait plus, quasiment plus à rien de le ramener, tu sais. Il faut que t'aies les nouveaux jeux qui vont avec. Parce que tu peux acheter des chapeaux en dehors des jeux, toute l'équipe. Ouais. Pour 15$, t'as les 4 nouveaux jeux. Ça vaut la peine, sérieux, j'ai les ai, là, pis. Ça vaut vraiment la peine, ouais, surtout le shooter, là, ça c'est le fun. Si t'es capable d'avoir plusieurs mi, là, le shooter, ça y est, c'est bon. Okay. Ça y est, tu viens de me donner le goût, là. Ça y est. Je te donne souvent le goût, toi, d'acheter des affaires. T'influences énormément de thèse, là. Quand le bruit de fond est d'accord avec moi. Comment? Ouais, c'est ça, le bruit de fond est d'accord avec moi. Avec peu importe que tu l'as dit que j'ai pas. Bon, ouais, c'est ça, c'est le bruit de fond qui dit tout. Beta dit à mort les roues. Hey! Non, mais il faut comprendre que Giz se tenait souvent avec nous autres à la table et Giz arrêtait pas de dire ben, je suis dans ton coin, Beta, puis Giz fait que Beta de répondre je suis du coin de personne et personne n'est dans mon coin. Alors, c'était. Et Alpha est de retour! Yeah! Alpha. Mais oui, Giz essayait d'être gentil avec Beta, mais Beta est tellement habitué que tout le monde le déteste et tout le monde le rejette que Beta a eu comme premier réflexe de rejeter Giz. Et oui. Il voulait pas d'amis, même si on lui offrait son amitié. C'est ça. Giz voulait l'aider, puis Beta, non, je veux pas d'amis. OK. Comme ouais, tu veux. Ça va plus ou moins ce que j'ai dit à Beta au restaurant. Qu'est-ce qu'il avait dit? Ben, il a fait la même chose. Il dit, moi, j'en veux pas d'amis. Puis moi, j'y réponds, mais tu vas en avoir pareil, les amis, puis tu vas aimer ça! Il était bouché. Ouais, après ça, il m'a serré la tête et il m'a fait briser mes lunettes. Oh non! C'est pas drôle. M'excuse, je ris, mais c'est pas drôle. C'est correct. Il sent déjà assez mal de même, comme on a pour petit. C'est correct. Et le bruit de fond est d'accord avec moi. Ben, inquiète-toi pas, Beta, en passant, j'ai réussi à le réparer avec la Crazy Glue. Alors, merci Crazy Glue. Yeah! Alors, Alpha à son Windex, moi j'ai ma Crazy Glue. Tadadou! Alors. Ça colle de fou. Ça colle beaucoup. Et le bruit de fond est d'accord avec moi? Lors du bruit de fond, là, il t'a rien fait. Hey, yeah, le bruit de fond! C'est rendu un acteur principal. Alpha, je voulais avoir ton maman, ton bon coup du Comic-Con, selon toi. Bon coup? Ouais, le bon coup du Comic-Con. Qu'est-ce qu'ils ont très bien fait? J'ai trouvé que les invités étaient assez épiques. Je suis pas allé les voir parce que j'étais coincé derrière une table, là, mais... On en a eu un qui est venu te voir, par exemple. Il y avait des gros noms, puis ça a de quoi impressionner, là. Mais t'en as eu un qui est venu te voir à ta table, hein? Un gros nom de la BD, puis que... Neil Adams, ouais, je... Oui. Neil Adams est venu te voir? Oui, il est venu me voir, mais... Il est venu me jaser. Oui, c'est vrai, c'était vendredi matin. Moi puis Beta, on était à table. Ben n'était pas arrivé encore. On était j'étais là. On venait... J'étais là, il est juste pas venu me voir. OK. En tout cas, on venait de placer notre stock. On était bien assis, relax. On attendait le début. Là, Neil Adams arrive, il se présente, il commence à nous jaser ça. Mais nous autres, moi puis Beta, on connaît pas ça, les comics. Fait que Neil Adams, J'avais aucune idée de qui c'était, puis je savais encore moins à quoi il ressemblait, puis qu'est-ce qu'il avait fait. Fait qu'il est venu nous jaser, tu sais, moi, nous autres, on n'allume pas, ni la dame, moi, pas un gars comme les autres. Fait qu'on on s'est même pas levé, on est resté bien verge sur la chaise, ouais, salut, ouais, c'est ça, ouais, puis... Puis finalement, c'est le gars d'à côté qui nous a regardé après. Tu sais pas à qui tu viens de parler? Non. C'est Neil Adams, tabarnak! On a jamais allumé. Il paraît qu'on a parlé à une légende du comics. Je sais pas c'est qui, moi non plus. Bah, bon, ben, c'est ça. Parce que le gars a été un des premiers contributeurs pour les reconnaissances des artistes dans l'industrie des comic books. Les artistes ouais. aient plus de reconnaissance créative. C'est ça qu'il nous a expliqué. Là, puis qu'en gros, c'est un gars que ça fait 40 ans qu'il a fait de la comics. Là, fait que c'est un gros nom. Là, mais si tu connais pas ça, tu connais pas ça. Là. Est-ce que je peux ajouter un commentaire qui va faire que le gars va peut-être t'écœurer, Alpha? Vas-y toujours. Écoute, lui, il chargeait 20$ pour faire signer tes choses à lui. Ah ouais? Fait que là, ça tape à lui. Mettons, tu veux faire signer Bucky O'Hare ou tu veux faire signer un autre de ses comics qu'il a fait là, 30-40 ans, il faut que tu payes 20$ pour qu'il signe. Par signature? Heureusement, c'est pas par signature. OK. C'est par séance, par... ouais, OK. Heureusement. Bon, ben, moi, j'ai serré la main, puis j'ai jasé avec lui, gratis. Mais j'ai pas réalisé ce que j'étais en train de faire, fait que j'en ai pas profité. Mais il m'a peut-être trouvé bien naturel, tu sais. J'ai pas été lèche-pied, étant donné que j'avais aucune idée c'était qui. Beta dit que grâce à la fin de semaine, vous avez eu un gros boost d'abonnés sur votre chaîne. Nice. Ben, il dit ça, là, mais c'est pas aussi simple, là. C'est bien dur de dire à qu'est-ce qui est attributable au Comic-Con puis qu'est-ce qui est attributable au nombre d'abonnés qui augmente de façon régulière, là. Effectivement, j'ai dénoté une petite hausse, mais c'est pas énorme, là. Si Beta pense qu'on a gagné 100 abonnés dans la fin de semaine du Comic-Con, ben, il y en a peut-être 30 là-dessus qui sont dus au Comic-Con. Les 70 autres, on les aurait gagnés de toute façon avec le nombre d'abonnés moyens qu'on gagne. Là. Fait que c'est ça. OK. Sinon, cosplay préféré? Oh my god. Il y en avait pas mal moins qu'avant, hein? J'ai vu un petit gars à Megaman, là, pis ça, je te connais. Ah, il était cool! Ouais, il était cool! C'était vraiment cool! Sinon, préféré, je sais pas, mais je trouve que des Poison Ivy, il y en avait pas mal. Il y en avait pas mal, hein? Okay, ouais. Pis, oh, oui! Pis, quasiment des... trop, en fait. Ça, pis les zombies, là. Ouais, ben ça, il y avait le truc de zombies, pis le marche du zombie qui était là aussi, là. Oui. En plus, t'avais un gars habillé en zombie, genre qui. Nowhere, il donnait des pamphlets, tu sais. Il refaisait toujours le même parcours. Là, comme l'année dernière. Oh. Je sais pas si c'était le même gars. Je sais pas si c'était le même gars, mais il était pénible, là. Il faisait pitié. Quoi, c'était celui qui donnait des pamphlets pour le Rad and Ruins? Ouais. Il se promenait toute la journée en jouant le zombie, à un moment donné. Il va être écœuré ici pour lui. Moi, j'ai vu un couple zombie. Puis le gars, il était attaché vers une chaîne. Puis, oui, je pense que j'ai vu. Il se faisait traîner comme un chien. Là. Ben, finalement, il s'est inspiré de Alpha puis Beta. Possible. C'est drôle que tu mentionnes ça. Parce que... Ou simplement The Walking Dead. Pas dans le chat. Ouais. Sinon, à part ça, Marie, toi, ton cosplay préféré? Moi, j'en ai pas nécessairement eu de gros coups de cœur cette année. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que je suis pas dans le bon coin pour voir des cosplays, mais je sais pas. Il y avait pas tant de cosplays si extraordinaires que ça dans mon bout à moi. Je sais pas si vous l'avez vécu. Moi, j'ai pas vu l'espèce de grosse rush de World of Warcraft que tout le monde parlait samedi, vendredi quand je suis arrivée. C'est vraiment le wow? Ça venait ouais, vraiment de je pense que c'est de lui. C'est pas Warhammer ou quelque chose du genre? Je sais pas. Moi, je l'ai pas reconnu en tant que golem de WoW, là. Ouais, de dos, je pensais que c'était un Skylander. Ouais, mais je pense que toi, t'es un Skylander anyway. Non, que... mais c'est parce que c'est mon ami avec qui j'étais, Jean-Philippe, il regarde de loin, il dit « Hey, regarde, un Skylander! » Là, je fais « Hein, où ça? » Je me mets en face du gars scotché. C'est pas un Skylander, ça, c'est une espèce de roche ambulante. Moi, je pensais que c'était le Rockbiter de Neverending Story. Marie? Oui? Tu l'as rencontré dans la file pour Félichodé, pardon. Karine, right? Bien sûr! Bon, il semblerait... Ben, assis à côté de moi, en plus. J'apprends à l'instant que Karine serait en fait l'ancienne voisine et amie d'enfance de Tanuka. Oh, oh my God! Oh my! Oh, le monde est petit, hein? Il est véritablement petit. Elles se sont retrouvées ce soir grâce au podcast des accros. Voilà! Et Félichodé! On a eu une fin de semaine d'amour à cause des hugs qu'on s'est donnés et aujourd'hui, on a fini ça en beauté avec une réunion. On a même vécu un group hug avec Luduc. Faut le faire. Et un photobomb assez épique, merci. Ah, il était un photobomb. C'était quelque chose, le photobomb. Marie qui se fait prendre en photo avec le duc, puis genre, le gars, à la caméra, il était tellement concentré sur le duc et Marie qu'il se rendait pas compte que moi, Alpha et Béton, étaient en train de niaiser en arrière à tour de bras. Résultat, une photo très, très drôle. Je pense que je vais la poster sur le forum des accros ou sur le Facebook des accros bientôt, là. Si vous voulez demander, là. Il n'est pas déjà le sur le Facebook des accros? Je sais pas, il est sur le mien, mais je sais pas s'il est sur le Facebook des accros encore. Ah! Enfin, okay. Bref. Ok. Sinon, moi, de mon côté, les cosplays que j'ai vraiment trouvé hot, de mon côté, il y a le Doc Ock que j'ai vu, Dr. Octopus. Il était vraiment bien fait, lui. Ouais, c'est vrai. Il était très bien fait. Et il y a un que j'ai manqué, que c'était une fille en plus que je connais, qui s'appelle Laurane Lafrenière, qui est une des co-animatrices des Mystérieux Étonnants, qui était en cosplay en Mera, la femme de Aquaman. Et elle a pas passé dans le coin, elle a passé avec son soupe de Star Trek. J'ai été un petit peu déçu, je m'attendais à avoir avec Mera. Mais j'ai vu des photos sur YouTube, pas sur YouTube, mais sur Geek or Sexy, puis c'était vraiment très bien, son cosplay. Sérieusement, là, Laurent, t'as très bien fait ça. Je sais que tu nous écoutes en podcast, alors merci beaucoup. Il était très, très, très, très beau, ton cosplay. Antithèse, est-ce que tu l'étudies, toi, le tien, hein? Je m'en souviens pas. Non, j'ai pas. Non? Est-ce que t'en as trouvé un en particulier? En fait, pour ce marchement, c'est pour ça que t'as pas sauté mon tour, parce que dans le fond, j'ai pas mis qu'on choisit, parce que c'est une affaire dont laquelle j'avais observé, vu que c'était moi, je suis encore un fan de cosplay, justement, c'est les gars étaient les meilleurs cosplay. Je te dirais que je suis d'accord pour dire que le Warhammer, il était débile. Je suis d'accord pour dire que Octopus était débile. T'avais un Spider-Man qui c'était un One Piece suit, le gars avait si 400$ pour son One Piece 2, mais ça date du Spider-Man, des films de Sam Raimi, fait que son costume était vraiment, mais vraiment esthétiquement écœurant. Mais en choisir un, je dirais avec, j'irais effectivement pour le l'arbre de Lord of the Rings qui était lui aussi assez bien fait. Ok. Et le pire cosplay? Le pire cosplay? Dis pas le mien, non, c'est une blague. Oh non, ton cosplay était très respectable, ça l'a dit Marie, même très respectable. Merci. Écoute, des fois, la simplicité a bien meilleur goût, tu te fais faire un cosplay de dans une galaxie. Est-ce que tu as fait la job? Oui. Sincèrement, je pense que, je veux juste dire que c'est justement, une des Poison Ivy avait le pire costume, mais je peux pas exactement choisir les bons mots, c'est pourquoi c'était un des parce que c'était une des Poison Ivy qui avait le costume n'était pas si beau que ça, à part que son matériel avait l'air cheap. Ok. Ça avait pas de l'air comme elle faisait pas d'effort pour vraiment être Poison Ivy, dans le fond. Ok. Mais on peut. Mais cheveux rouges, costume bleu, vert, puis c'est Poison Ivy. T'sais. Rétro? C'est quoi la question? Le pire cosplay! Ouais, c'est le pire cosplay, ouais. Il aurait fallu premièrement qu'il y en aille, là. Ah, il y en avait! Il y en avait, mais moins que l'année dernière, puis moins des impressionnants, sérieux. Non, mais avec, j'ai déçu pas mal, les cosplays. J'avoue que j'ai vu un Batman fait en papier mâché, puis c'était pas très beau à voir. Batman en papier mâché, je l'ai pas vu, ça. Ouais, le vieux Batman, là, tu sais, le Batman d'Adam West, là. Genre, c'était des papiers puis du carton raboutés ensemble. Puis c'était vraiment mal fait, là. Non, j'ai pas vu ça. Chance, tes yeux ont été sauvés de cette horreur. Pourquoi okay. C'est méchant, par exemple? Mais bon, je prends. Mais là... Merci de ton sacrifice, Reto. Je peux-tu m'amener et dire des choses? Non, c'est correct, regarde. C'est pas tout le monde qui a le talent pour se créer des cosplays, par exemple, c'est vrai. Je sais bien, mais qu'est-ce? Alpha, est-ce que t'en as vu, toi? Je crois que Alpha hésite. Tu me parles? J'avais oui. Pas compris. Est-ce que non plus, je suis pas. T'sais. Alpha, est-ce que t'en as vu un pire? Je n'ai non. Non, moi cosplay, je suis tellement nul. En fait, je n'ai jamais fait. Fait que j'ai pas vu de cosplay que j'ai trouvé vraiment dégueulasse. Non. Pas de. Ok. Ça. Et Marie, toi rapidement. J'ai pas vu de pire, mais j'en ai vu un qui m'a un petit peu marqué. Je sais pas si vous l'avez vu, gang. Le gars déguisé en Cortex de The Guild. Avec les cheveux teintés rouge roux, là. Veux-tu en savoir une bonne, Mary? Non. C'est un animateur de podcast. Ça se peut, mais moi, il m'a marqué pareil, parce que j'ai comme fait, OK, il y a du gars, ce gars-là, là. Ouais, faut que j'y donne ça, il y a du guts. Je dirais pas que c'est dans mon pire, c'est un perturbant, oui, je l'avoue. Mais son idée est quand même originale. C'est quand même il a frappé l'imaginaire. Je dirais pas ça dans mon cas. Moi, il y avait une Supergirl que sa jupe était très courte. J'avais l'impression qu'elle avait plus acheté ça dans un magasin sexy. Dans un sex shop. Un sex shop, effectivement, oui. Ce qui est correct! Mais dans un événement familial, peut-être un peu moins. Pas grave. Alors, ouais. Sur je peux me permettre, il y a Tester, il y a Beta qui se dit qu'il y a vu un gars en côté de Giz qui essaie d'être son ami, mais il en a marre. Le monde, il parle de qui, moi? Elle est bonne. Elle est vraiment bonne. Super, Beta, elle est bonne, celle-là. Alors, sinon, en parlant de ça, ben écoutez, il y a Cara qui vient d'arriver au podcast. Salut, Cara! Jessica Negri en Caitlyn égale wow, selon Sébastien Corbeil. Il y avait aussi Kevin qui demande s'il y avait des cosplays de manga. Sûrement. Pas autant que ça! Ben, c'est plus à Zakuton, ça, qu'au Comic-Con, je pense. Effectivement. Je suis d'accord avec toi. Effectivement. Beta dit que les robots de Doctor Who, les Daleks, étaient vraiment pas mal. Oui, effectivement, mais ils venaient de Toronto en plus pour la convention. C'est vraiment des gros tripeux de manga. Il y avait aussi Michel Junior qui nous dit que. Est-ce qu'on a rencontré Christopher Lloyd? Moi non. Moi non plus. Moi non plus. Moi, oui. Et puis? Il est pas ben ben jasant. Oh, c'est plate, ça. On a pris une photo, puis c'est ça. Ça coûtait cher. Elle était cher, sa rencontre avec lui, c'est vrai. Ça n'a pas de calice de sens. On était deux pour payer la photo, là. Ouais, mais... Oui. Tiens, il a quel âge, là? 72 ans? Oui. Il vient de loin, là. Il s'en vient vieux. Donne-lui une chance, le pauvre petit. C'est pas comme Bernard qu'on a parlé tantôt, qui, lui, il est dans cinquantaine passée. Puis, accident par accident, ben, c'est ça, là. Ça n'a pas aidé. Envers tes fans. Ouais. Sinon, je regarde rapidement. On a Philippe Saint-Jean qui dit que ce serait le fun d'avoir un Japan Expo version québécois. Je sais pas c'est quoi le Japan Expo, je dois t'avouer. Je pense que là-dessus, il y aurait plus Kevin Doré-Poudrier qui pourrait nous en parler parce qu'il parlait de l'amener de France jusqu'au Québec. C'est pas un festival de bande dessinée, ça, en France? Je pense que c'est ce que je ne suis pas sûr. Karim Bissonnette nous demande si on avait vu la Lélo de Cinquième Élément. Moi, je l'ai vu. Oui, moi aussi, puis je l'ai trouvé très... Je l'ai pas vu. Et Pierce Mac dit que Bianca Beauchamp en Jessica Rabbit, c'était quand même pas mal. Oui, elle était très bien. Elle était très sexy. Elle a passé vendredi devant nous autres. Sinon, je jasais avec Alpha du côté et Alpha et Marie pour ce qui est de la table, parce que vu qu'on a été les chanceux à avoir une table, je veux demander vos opinions sur avoir une table au Comic Con, c'est comment? Comment avez-vous aimé ça? C'est vraiment de la bombe. C'est gratifiant à l'os des deux bords. Est-ce que je peux parler du fait des pixel art? Oui, vas-y. Comme quoi, quand je suis arrivée pour rejoindre Ben le vendredi, comme quoi le deux tiers des trucs étaient déjà vendus. À quelle heure t'es arrivée? J'étais arrivée, il était 6h-10. Et déjà la moitié, même un peu plus que la moitié, était vendue. Quasiment, oui. 60. Moi, je dirais qu'en fin de journée, on avait 70% de notre stock qui était vendu le vendredi seulement. Juste le vendredi. Ça, c'est le vendredi. Il faut considérer que le vendredi, c'est justement c'est le mois achalandé. Les gens veulent garder leur énergie pour le samedi. Exactement. Alors, imaginez-vous, dans la nuit de vendredi à samedi, on s'est couché très tard, Marie et moi, pour continuer à faire des pixel art, pour avoir un peu de produit. Et moi, de voir le vendredi soir, oh fuck, on va vraiment manquer de stock. Que j'ai callé Giz, j'ai demandé à Giz, attends-tu qu'on vende tes t-shirts? Moi, tu sais, genre, on s'est arrangé, Giz puis moi, puis on a réussi finalement à vendre des t-shirts de Giz en même temps, parce que sinon, la table, elle a été vide. Et alors, il a été super fin, il a amené de 6 pixel art à la table également. Oui. Alors, on a vendu des pixel art qu'il a utilisé pour le montage de Donkey Kong. Alors, c'était vraiment gentil de sa part. Comment t'as trouvé ça, rencontrer tes fans, Alpha? Génial. T'as du monde qui sont descendus te voir, là. Oui, c'est la première fois que j'allais au Comic-Con, puis c'était aussi la première fois qu'on avait une table, puis mon seul point de comparaison que je peux faire, c'est avec le Geek Fest en avril passé. En avril, on avait moins que le quart d'abonnés qu'on a aujourd'hui. Ça fait qu'au GeekFest, on était là surtout pour se faire connaître. Fait que tout ce qu'on faisait, c'était expliquer au monde qu'est-ce qu'on faisait dans la vie. That's it. Point final. Mais là, au Comic-Con, il y a plus de monde. Veux pas aussi, on avait plus d'abonnés. Fait qu'il y avait du monde qui venait spécialement pour nous voir. Puis aussitôt qu'ils nous voyaient, ils nous serraient la main. Ils étaient contents de nous jaser. Puis déjà, ils connaissaient là, tous nos épisodes par cœur mieux que moi même. Là. Fait que veux pas ça fait plaisir là, de voir quelqu'un pour qui on a fait une différence, qui nous achète un chandail, puis tu le vois, là, il est heureux. Là, il a son chandail, là, puis il a Tester Alpha. On a aussi donné beaucoup de photos à du monde qui nous connaissait déjà, qui voulait des photos. Fait que c'est cool. Là, c'était ça le premier objectif du Comic-Con. Pour nous, là, c'était ça. Et est-ce que tu penses que tu vas retenter l'expérience l'année prochaine? Oui, absolument. Si tout va bien, là, si on est toujours en train de faire fonctionner le projet de Tester Alpha, oui, absolument. Je pense que nous autres aussi, on est vraiment capoté. Puis l'année prochaine, on sera pas juste moi et Marie. Probablement que Retro et Antithèse vont avoir leur patch également pour la table, être avec nous sur la table. Parce que sérieusement, c'était un événement unique. Puis on jasait avec d'autres podcasts également qu'on s'est dit ce serait le fun l'année prochaine qu'on soit plusieurs tables ensemble. Des youtubeurs québécois ou des podcasteurs québécois, puis qu'on soit ensemble une fois là. sais, quelqu'un qui rentre dans la file, ils vont connaître nos podcasts, nos émissions. On jase de ça. On sait jamais. J'ouvre l'offre à tout le monde. Sinon, ça va être vraiment génial de se retrouver l'année prochaine. Vos souhaits pour l'année prochaine? Qu'est-ce que vous voulez avoir l'année prochaine au Comic-Con? Plus de gaming. Ouais. Mais, tu sais, d'un côté, on est mal placé pour exiger ça, là. C'est un Comic-Con, c'est une convention. Ben, c'est les souhaits. On sort les souhaits. Non, je l'exige. Plus de gaming. Ça fait 3 ans que je viens, puis il y en a de plus en plus. Il faut qu'il y en ait encore plus. C'est ce qu'on souhaite. C'est ce qu'on... moi, je dirais oui aussi. J'espère avoir beaucoup plus d'artisans avec des bons prix. Les artistes, là, il y a des affaires, des fois, qu'ils vendaient, je faisais comme... Ouais, pas sûr. La fille, juste derrière nous, elle vendait des coussins de monstres à 75$. 75$ pour un coussin. Gros! C'est quoi? Quel genre de coussin? Genre, c'est des coussins, ça, de gros, là. À peu près quelques pouces de longueur. Mais par quelques pouces de largeur. C'est du cousu custom, quoi? C'est custom. Sais-tu que ça coûte un bon oreiller? Ben, le mien, il coûte quand même bien, mais tu sais, c'est des coussins décoratifs, là. C'est pas... Ouais, mais je sais bien, mais pas avec, c'est là. Du travail artisanal. Faut que tu t'attends à payer, là. C'est sûr. Tout dépendant du matériel aussi qu'elle utilise, la fille, là. Tu sais, c'est peut-être pas donné le matériel qu'elle a, là. Non, c'est sûr. Elle fait pas ça en production en chaîne en Chine non plus. Là. Non, c'est sûr. Mais, tu sais, il y a des choses que je trouve exagérées, des fois, des t-shirts à 30$. Des t-shirts quoi? Ah, vas-y, Marie. Un autre souhait pour moi, c'est qu'il y ait plus d'artistes du Québec qui s'impliquent au Comic-Con. Comme Didier Lucien, puis comme François Pérusse. Ça serait vraiment cool. Ça, c'est vrai. Quoique, remarque, t'en as eu quelques artistes de comic book francophones québécois qui étaient prévus pour Comic-Con. Des auteurs aussi. Moi, je trouve que les artistes québécois sont déjà mal, pas trop, ils sont déjà assez impliqués au Québec, là, pour poser des voix au Comic-Con en plus. Ouais, mais ça dépend. Si on leur web série science-fiction ou quoi que ce soit, ça serait cool les voir. Parce que c'est un peu le sujet aussi du Comic-Con. Je pense, entre autres, je sais qu'il y a des... Je sais pas si c'est des négociations, mais on en avait entendu parler, nous autres, pendant le Comic-Con, que ça se pouvait que dans les prochaines années, que toute la gang de Galaxy soit là pour un panel. Oh my God. Ça serait cool. Ouais, ça pourrait être cool. Ouais. Pour le troisième film, moi, ouais, ça aurait de l'allure. Faire la promotion, là. Ben, ça pourrait être... Il y a des acteurs. Pour l'an prochain, 2014, le film sort en 2015. Ils m'ont pas dit de date, c'est sûr, là, mais c'est quand même tôt pour eux autres de savoir. Mais c'est sûr que des artistes comme Claude Legault, qui est très, très, très occupé, ça se peut que ça aille juste en 2015 aussi, là, tu sais. Bon, hein. Antithèse. Oui. Ça serait quoi ton souhait pour l'édition de l'année prochaine? Je vais me joindre avec la famille en disant qu'effectivement, un peu plus de gaming, ça serait avantageux. Écoute, c'est Rétro qui a mentionné ça. Je ne sais plus s'il a mentionné soit sur le podcast, soit sur en message récemment, mais que avec le succès que Sony a connu, Nintendo et Microsoft devraient effectivement peut-être envisager à avoir un spot au Comic-Con. Qui plus est très lucratif pour le Comic-Con. Fait que dans le fond, la première phase, c'est la même chose que comme le reste de la famille, ce serait peut-être plus de gaming parce qu'on voit que le gaming, ça marche. Est-ce que Sony avait des choses à vendre à son kiosque? Non, il présentait plus la PlayStation 4 puis les jeux qui vont sortir en même temps. Là. En fait, moi, j'ai une question là-dessus. Pour toi, Rétro, c'est-tu vrai qu'il fallait que tu payes pour essayer la PlayStation 4? Mais non, arrête, toi. Si tu faisais la file, puis t'attendais une heure pour faire la file, puis là, tu jouais à la PlayStation 4 pendant 10 minutes, puis ils te donnaient un T-shirt. Bon, c'est ça, tu sais. Je me souviens que tu payais pour aller à la PlayStation, pour jouer à la PlayStation 4, essayer la PlayStation 4. Ça, aucun... Voyons! C'est aucun qui fait bon ça? Il est impatent. S'il vous plaît, hein, il n'y a pas de pilier à part de ça. Hey, qu'est-ce qu'on l'a fait, nous autres, la file, puis on... Ah oui, c'est ça, je te le demande. Non, tu payes pas pour ça. Et est-ce que ils faisaient de la promotion pour la PS4, ils ne vont pas payer le monde pour... Ben, c'est ça, tu sais. Mais est-ce que toi, tu as eu le chandail en passant? Non, mais mon ami l'a eu. Je déteste ton ami. Il est trop cool, le chandail de mais il a quand même eu, t'as quand même eu un sac puis un... Oui, dans le fil d'attente, Sony faisait tirer des prix oui. comme des figurines d'Infamous puis des sacs à dos d'Infamous, des lunettes, des porte-clés, des affaires comme ça. Mais j'ai eu la chance de gagner le sac à dos, puis dans le sac à dos, ben, il y avait la figurine. Moi, j'aurais aimé ça avoir ton sac à dos. Moi, je rêve d'avoir un sac à dos comme celui-là. Que j'ai, moi, c'est le porte-clés. Le porte-clés de la lumière. Ouh. Ben, moi, je cherchais à tour de bras au Comic-Con. J'ai pas trouvé mon bag of holding que j'aurais pu acheter là plutôt que de l'acheter sur ThinkGeek. Yeah. J'aurais vraiment aimé ça le voir là, mais j'ai pas eu la chance. Avez-vous acheté des choses, vous, au Comic-Con? Comment? Avez-vous acheté des choses, vous, au Comic-Con, aux artistes qui étaient présents? Moi, j'ai acheté un macaron de Peach pour Trinity. J'ai également, dans la dernière journée, j'ai acheté également, comme vu qu'il me restait de l'argent, j'ai été acheter des comics qui manquaient de mettre dans ma collection. Et de Griffon, Blue Griffin, le seul sur ce temps passant, vrai magasin de qui a de jeux vidéo. Il était où, lui? Tu l'as pas vu? Il était non, j'ai fait le tour quatre fois, puis je l'ai pas vu. Il était dans vraiment proche de l'entrée, là. C'est vrai? Ouais, oui. En plein ensemble. Et Blue Griffin. Mais les prix qu'il y a, c'est les prix comme ailleurs. Là, ben, c'est un prix de magasin qui est à une convention. Tu sais. Ouais. C'est cool si tu cherches vraiment quelque chose et qu'il l'a, mais attends-toi pas à faire un gros deal en allant acheter là. Mais tu sais, c'est correct. Non. Là, il l'a payé son spot. J'en ai déjà fait avec lui au Comic-Con. C'est sûr que ça dépend c'est quoi. Comme exemple, deux jeux que moi je recherche mais que lui a, j'étais content de savoir qu'ils avaient, mais ça fait aucun bon sens les prix qu'ils vendaient. C'était Ace Attorney le premier, puis Ace Attorney le troisième, ils vendaient 35$ chacun. Mais ça se justifie sur le fait que ce sont des jeux de DS extrêmement rares. Ça se peut. Moi, j'ai acheté de mon côté. Marie, tu veux y aller de ton côté? Ben oui, c'est sûr. Moi, j'ai découvert une artiste qui s'appelle Pin Stings. Je sais pas si vous l'avez vue. Elle avait plein de bagues de différents trucs geeks. Oui, hein? Oui. Puis moi, ben, je suis un peu chanceuse parce que j'ai découvert que un truc pour mon futur cosplay de Katniss Everdeen qui va être encore plus complet, c'est la bague. La pin du Mankin J, officielle. Et j'ai eu aussi le collier. Ceux qui connaissent Harry Potter savent c'est quoi les reliques de la mort. Donc, j'ai une chaîne avec les reliques de la mort à moi, qui est en bronze. Donc, ça m'a pas coûté cher, c'était 10$ chacun à peu près. Fait que c'était vraiment très abordable pour un Comic-Con. Oui. De mon côté, je me suis acheté une affaire, et c'est ce t-shirt-ci, un t-shirt de Zelda. La particularité, c'est que la fille, elle a utilisé de l'eau de Javel pour faire les taches oranges. Ah ouais? Ouais. Spécial. Mais ça donne un look spécial, mais il est très joli. J'ai payé 20$, c'est Geek Charming qui a fait ça, vous pouvez aller la chercher sur Facebook. C'est vraiment, j'ai trouvé ça cool, puis j'attends, elle a des très beaux modèles de t-shirts. Je sais qu'elle a tenté de travailler sur des hoodies, j'ai dit, dès qu'elle a un hoodies de hot geek, je vais probablement y en acheter une, mais elle a des très bons prix, puis vous pouvez passer une commande également sur internet, fait que c'est vraiment cool. Sinon, on va aller voir notre monde sur YouTube pour une dernière fois. Alors, on dit salut à Maxime Duclos. Salut Maxime! On a Pure Smack qui dit que c'est ce que j'ai bien pouvoir acheter, c'est des dessins, des sketchs, des BD ou bien des pixel art directement à ceux qui les avaient fabriqués. Comme nous! Sinon, à part ça, Karine Bissonnette disait que les jaunes étaient là vendredi. Ce sont des Québécois qui font une web-série sur tout.tv. Ah, je savais pas! Kevin Poudrier nous demande si on a vu du monde de Monsieur Net. Non. Moi, le seul que j'ai vu. Ben, Moi, j'ai vu, regarde, Benoît Mercier, il est venu à mon au kiosque des accros. J'ai essayé à jaser un petit peu avec parce que, bon, j'ai quand même gagné. Ben, j'ai quand même pas une affinité, mais tu sais, j'ai une histoire un peu avec lui, comme quoi que j'ai déjà gagné des BD au Mystérieux Étonnant. Fait que j'ai pu le jaser un peu. Et il y avait Laurent Lassalle qui est venu faire son tour le dimanche à notre kiosque avec Giz. Et de quoi on a jasé, puis on. C'est un super de bon gars. Allez le voir, Laurent Lassalle, il est vraiment nice comme gars. Très drôle. Ah, il est très drôle. Il donne plein de bons câlins aussi parce qu'il voulait faire un free hug, donc c'est cool. Mais Giz voulait pas, il est méchant, non, c'est pas vrai. Hey, si moi j'ai eu un câlin avec Giz, t'es capable d'en avoir un aussi avec Giz. Ouais, tu dis ça pour moi demain, moi. C'est sûr. Ouais. Fuck. Maxime dit que lui il a acheté des BD de Mirror et Comics. Je ne sais pas c'est quoi, je dois t'avouer. Karine Bissonnette dit qu'il y avait une bague au kiosque de Sarah Wing et des macarons de Game of Thrones. Et du même You Don't Say. Le même sur Internet You Don't Say. Beta il dit que j'ai acheté des lunettes à Ben. Non. Non, c'est pas vrai. J'ai pas eu une scène pour ça. T'es dans marde. C'est moi qui paye pour mes lunettes. Ça veut dire, Beta, que t'es obligé de faire un caméo dans la prochaine vidéo de Ben. C'est une blague. Aïe, merci Marie de l'idée. Ce que tu sais pas, Beta, c'est que c'est que Ben va refaire une scène du film Hearthstone. Oh là là, pas ce point-là, non, parce que je sais que c'est Alpha qui va être obligé de ramasser après, fait que non, ça va aller. De toute façon, quel film minable. Oui, ben je les ai jamais vus, fait que... Va pas les voir, c'est vraiment minable. Moi, du gore, je trippe pas là-dessus, là, je dois vous avouer. Kevin Doré dit qu'il a acheté un tapis de souris aux formes bombées de filles d'anime. Ah non, il demande s'il y a quelqu'un qui en a vu ou en a acheté. Non. Non. Ok. Non. Nope. Sinon, à part ça, je regarde rapidement ce que le monde vient nous jaser. Et Karine Bissonnette dit qu'elle est super contente pour toi que tu aies acheté ton Mockingjay. Hi, j'en avais parlé en plus avant que la conférence, donc. Ouais, ben, elle m'a vu en Katniss Everdeen d'ailleurs. C'est pour ça. Elle dit, hey, yo, ton Mockingjay. Je n'avais pas à ce moment-là. Nah. J'en avais pas acheté à Mary parce que c'est mon cadeau à moi. C'est moi qui ai offert à Mary son t-shirt. C'est pour sa fête. Qui est demain! Alors, la gang, souhaitez bonne fête à Mary sur le chat. Elle va vous répondre. Alors, je crois que ça finit là pour ce qui est le monde nous jase. Fait que pour finir, on y retourne en 2014. C'est sûr. Ça va bien. Attention. C'est sûr et certain. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce podcast des accros des jeux. Antithèse, comment on peut te rejoindre sur les internets? On peut me rejoindre sur antythese@yahoo.ca ou gmail.com. On peut me suivre sur Twitter sur antithèse16say. Mais la meilleure façon de me rejoindre demeure sur le forum de accrodesjeux.com. Venez voir le nouveau site, veuillez vous inscrire et amusez-vous avec une autre bande jolie et ambitieux gamer. Rétro, comment on peut te rejoindre sur les internets? Vous pouvez toujours me rejoindre sur le channel YouTube de RetroGamerPQ+, sur le forum d'accrodesjeux.com, qui est toujours la méthode favorite de Rétro. Et n'oubliez pas le concours pour gagner un t-shirt de Retro Gamer PQ+, le 1er octobre durant le podcast. Yes, man. Marie-Lune, comment on peut te rejoindre? On peut me rejoindre via vlogdemarielune@commercial.gmail.com. On peut me rejoindre sur le forum des accros des jeux, sur la page YouTube qui est Création Emil. On peut me rejoindre sur ma page Facebook de Marie-Lune et sur la page Facebook d'accrosdesjeux.com, bien sûr. Alpha, comment on peut te rejoindre sur les internets? La meilleure façon, Riz, reste sur le forum des accros des jeux. Je fais mon tour quotidiennement. Sinon, vous pouvez me rejoindre sur Facebook, sur Twitter, sur ma page YouTube. Vous tapez simplement Tester Alpha et vous devriez me trouver. J'ai également mon site personnel www.testeralpha.com. Bref, vous manquez pas de façon de me rejoindre. De mon côté, il y a plusieurs façons de pouvoir me contacter. Vous pouvez m'envoyer un message privé via mon channel YouTube. Abonnez-vous à la chaîne Accro des Jeux si vous nous écoutez présentement live sur le podcast des Accros. On a notre podcast tous les mardis soir 20h. Il y a également plusieurs autres moyens. Il y a le Facebook des Accros des Jeux. Il y a le Twitter à commercial Accro des Jeux. Et il y a le forum des Accros des Jeux. Allez-y faire votre tour. Il est magnifique, super beau. Vous pouvez également m'envoyer un courriel à accrodesjeux@commercialdumail.com. Et je remercie énormément Madame Ellen Williams-Jack qui dit « Bonjour, je souffre d'un cancer des ovaires. » Et le docteur dit que j'ai quelques jours à mourir. Il me reste que quelques jours et j'ai 2 millions de dollars US à vous donner. Alors, merci Madame Williams. Vous êtes très, très gentille de vouloir m'offrir un beau cadeau de 2 millions de dollars. J'attends avec impatience la suite de votre message. C'était le podcast des Accros. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. La semaine prochaine, il faut absolument que vous veniez voir notre podcast YouTube parce que c'est le 4 ans des Accros des Jeux qu'on va fêter la semaine prochaine. Party! Alors, c'est 4 ans des Accros des Jeux. Ça, vous savez ce que ça veut dire. Ça veut dire des cadeaux qu'on va donner à des Accros des Jeux. Alors, vous pouvez passer au channel mardi prochain. On va donner des prix en direct et également à ceux qui vont nous écouter durant la semaine sur YouTube. Alors, il faut absolument vous passer. Je vais vous parler des détails la semaine prochaine lors du podcast. C'était le Big Ben. C'était Amphithèse. Rétro. Marie-Lune. Et Alpha. Pour le podcast des Accros, merci beaucoup de nous avoir écoutés. À la prochaine. Bye.